Je t'amènerai ma pluie d'été, je t'amènerai l'âme assoiffée. Prends ma parole, prends la nuit bleue, prends ce que tu veux, même si c'est peu. Je t'attendrai ma nuit d'été, je t'attendrai milliers d'années, à travers les toujours, les jamais, les peut-être, à travers l'amour, ma seule raison d'être, d'instinct j'irai vers toi, d'instinct j'irai. Je t'amènerai près du feu, je t'amènerai les yeux fermés, laisser le cœur guider nos pas dans la noirceur, ouvrir les bras. Je t'amènerai ma fleur de mai, te conduirai si tu le veux.